entre les roches. Comme le souvenir d'un ancêtre, elle parle sans langue, elle voit sans yeux. Chaque goutte contient un nom, un serment, une prière que le désert n'a jamais oubliée. Raineski, tu es notre ombre dans la poussière, tu es le chant. Nous ne buvons pas pour vivre, nous gardons l'eau comme on garde l'espoir, et nous chantons à ceux qui sont devenus rivières. Dans la pierre, Raineski, dans la mer qui dort, dans nos roules, dans nos veines, ton souffle gonfle les nappes souterraines. Se cache la force du peuple. Riderski, gardien des eaux anciennes, ceux qui te suivent s'inclinent sans honte, car la vraie puissance ne fera pas où elle coule. Achidi, Dalmek, Shei Halem, Riderski. Chaque goutte entend nos voix, chaque silence boit nos douleurs. Chercheront ton nom, mais ils ne verront que sable. Ils écouteront, mais l'eau ne leur dira rien, car l'eau ne parle qu'à ceux qui ont sacrifié la soif. Nos prières coulent sans fin, nos corps ne sont qu'un passage pour ceux qui doivent rester.